بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد باب ما جاء في الحياة le sous-chapitre concernant ce qui a été rapporté lié à la pudeur. إخواننا الذين حضروا دورة الإمام البخاري مع أخينا عبد الله أبي إبراهيم حفظه الله ذكرت لكم كلام ابن حجر رحمه الله حيث قال خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. Et donc, concernant nos frères qui ont assisté au séminaire de l'imam al-Bukhari avec notre frère Abdullah Abu Ibrahim, hafidahullah. Donc, j'avais cité la parole de Al-Hafidh ibn Hajar sur la pudeur. Il avait dit Al-Hafidh ibn Hajar, rahimahullah, c'est un comportement qui pousse l'individu, donc c'est un comportement qui pousse à délaisser tout ce qui est blâmable. Tout ce qui est détestable et qui va empêcher tout manque concernant celui qui a un droit. Qui va empêcher un manque lié à toute personne qui a un droit. Donc un droit sur toi. Wa kulna inna al-haya yab'athu ala fi'l al-khayrat wa at-ta'at. Et donc là, on a dit que la pudeur est un comportement qui va pousser l'individu à accomplir des bonnes actions et des obéissances à Allah tabaraka wa ta'ala et qui va empêcher de faire des péchés. Et donc c'est cela la pudeur qui est louable. وَلَا يَنْبَغِي أَنْ نُخَلِّطَ بَيْنَ الْحَيَاءِ الْمَذْمُومِ وَالْمَحْمُودِ. Et donc il n'est pas convenable de mélanger entre la pudeur qui est louable et celle qui est blâmable. Car la pudeur qui est blâmable, elle va empêcher l'individu de faire le bien, de poser des questions, parce qu'il va être gêné de poser des questions, ou gêné d'interdire le mal. Tu vois quelqu'un qui fait quelque chose de mal, et tu es gêné de lui dire « Yahri ». C'est haram, ya akhi, tu ne peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que tu es gêné. Ça c'est de la faiblesse. Et cette pudeur, cette gêne n'est pas louable. Et c'est pour cela que Mujahid, il dit La yata'allamu al-ilma mustahin wala mustakbir. Il dit quelqu'un qui a de la gêne ou qui est orgueilleux, ne va pas apprendre la science. Il ne va pas apprendre la science. Pourquoi? Parce que cette science, là, ce qui est voulu par cette gêne, c'est la gêne qui est blâmable, ce n'est pas celle qui est louable. Ensuite, l'auteur qui nous cite le premier hadith, « Wa haddathani an Malik, an Salama, an Salama tabni Sofwan » ابن سلمة الزرقي عن زيد بن طلحة ابن ركانة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء. Il m'a rapporté selon Malik, selon Salama ibn Safwan ibn Salama al-Zuraqi, selon Zayd ibn Talha, c'est marqué donc Zayd ibn Talha, donc dans le Muwatta de l'imam Malik, et donc les savants tels que As-Suyuti, ibn Hajar et d'autres, ils ont abordé le sujet et ont dit que ce qui est, et aussi ibn Abdelbar, ils disent donc que ce qui est authentique, ce qui est correct, ce n'est pas Zayd, mais c'est Yazid ibn Talha. Yazid ibn Talha. Et Yazid ibn Talha, donc qui rapporte cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme dans le Muwatta, c'est un tabi'i. Il y a un livre qui s'appelle Is'aful Mubatta. Is'aful Mubatta de Suyuti qui nous explique qui sont les rapporteurs de Al-Muwatta. Tous les rapporteurs, tous les narrateurs de hadith qui sont cités dans le livre Al-Muwatta de l'imam Malik. Et dans ce livre, il a cité donc Yazid ibn Talha et il a dit que c'était un compagnon. À ce moment-là, la chaîne de transmission, elle est correcte. Jusqu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Sauf que ce qui est le plus correct, ce qui est donc correct, c'est que Yazid ibn Talha, ce n'est pas un compagnon, c'est un tabi'i. C'est un tabi'i, comme l'a cité Ibn Adelbar, rahimahullah ta'ala. Cependant, le hadith, il a été cité avec d'autres chaînes de transmission authentiques et authentifiées par l'imam al-Albani, rahimahullah, comme dans Silsila Sahiha. وهذا الحديث فيه أن أهل الإسلام يمتازون عن غيرهم بهذا الخلق. Il y a dans ce hadith le fait que les gens de l'islam, les adeptes de cette religion, se distinguent des autres. يتميزون. Ils se distinguent des autres par ce caractère, par ce comportement qui est الخلق, la pudeur. الذي يحمل صاحبه الى حسن المعامله مع الخلق والى حسن الخلق مع الله. Ce bon comportement qui va pousser l'individu à adopter donc un bon comportement envers son Seigneur et envers les autres et envers les créatures. Et vous voyez les gens autour de nous qui sont capables de faire n'importe quel péché détestable et le montrer publiquement sans gêne. Vidéo autre. Tout ça parce qu'ils n'ont pas de pudeur. Cependant, la communauté musulmane, ils ont cette pudeur en eux. Et cela fait partie donc des caractéristiques par lesquelles se distinguent les musulmans. La pudeur. Et ils font tout pour combattre cela. Enlever la pudeur des musulmans, à commencer par les femmes. Enlever la pudeur des femmes et se dévoiler et alhamdoulillah à toutes nos sœurs qui restent fermes à appliquer ce bon comportement khuluqul islam, le comportement de l'islam, la pudeur, ce comportement qui distingue les musulmans des autres, la pudeur, Allahu Akbar. Et donc ensuite il nous dit: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. Il m'a rapporté selon Malik, selon ابن شهاب, selon سالم بن عبد الله. Selon Salim ibn Abdillah, selon Abdullah ibn Omar, donc Salim ibn Abdillah, c'est le fils de Abdullah ibn Omar. Selon Abdullah ibn Omar, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé à côté d'un homme qui conseillait son frère, qui lui faisait des recommandations concernant la pudeur. C'est-à-dire qu'il le blâmait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à cet homme: laisse-le, car certes la pudeur fait partie de la foi. فهذا الحديث صحيح وهو متفق على صحته ولفظه في البخاري عن عمر عن عبد الله بن عمر قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يعاتب أخاه في الحياء يقول إنك لا تستحي حتى كأنه يقول قد أضر بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. Et donc ce hadith, il est authentique. Il a été rapporté dans les deux recueils, le Bukhari et Muslim. Et donc la parole qui est citée dans le recueil de le Bukhari, c'est que le prophète صلى الله عليه وسلم est passé à côté d'un homme qui blâmait son frère concernant la pudeur. Et c'est comme si il lui disait, donc, certes, non, il lui disait, certes, tu as de la pudeur, tu as de la gêne, tu es gêné. C'est comme s'il lui disait, cela t'a fait du tort. Cela t'a fait du tort. T'es gêné, quelqu'un, quelqu'un te doit de l'argent, par exemple, quelqu'un te doit quelque chose, et toi, tu es gêné d'aller lui dire, « Yahri, tu me dois ça. Yahri, ça, c'est à moi. » Etc., etc. Et donc, lui dit, « Ça te fait du tort. Tu es gêné. Ça te fait du tort. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, « Da'ahu fa innal haya min al iman. » Laisse-le, car la pudeur fait partie de la foi. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et là, je reconnais donc certains visages qui étaient là à Villerue lorsqu'on a expliqué ce hadith. Ah. T'étais là. Toi aussi. Et donc, on a dit que la pudeur, on a dit tout à l'heure, il y a quelques minutes, que la pudeur n'empêche pas de faire le bien. Et que la pudeur qui empêche de faire le bien, c'est une pudeur qui est blâmable. Et là, ici, cet homme qui est gêné d'aller récupérer son haq, son dû, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, laisse-le car la pudeur fait partie de la foi. Comment vous pouvez expliquer ça? Ah, tu t'attendais pas à celle-là. Alors. Non. Non, non. Tu étais là. Tu veux que je répète? Alors. On a dit tout à l'heure que la pudeur n'empêche pas de faire du bien. Exemple, tu vois quelqu'un qui, ou du moins tu as une question à poser, sur le mariage ou autre, et tu vas être gêné de la poser la question. À cause de cette gêne, tu ne vas pas poser la question, et tu ne vas pas apprendre quelque chose qui t'aurait été profitable. À cause de cette gêne-là, on va te dire, cette gêne n'est pas légiférée. Ce n'est pas une gêne légiférée, ce n'est pas une pudeur légiférée. Car la pudeur légiférée n'empêche pas de faire le bien. Tu vois ton frère qui fait un péché, il est mousbil par exemple, il a le pantalon qui descend en dessous des chevilles. Je n'ai pas envie de lui dire et tout, je suis gêné, si je lui dis, il va peut-être mal le prendre. Tu vas être gêné, ce n'est pas légiféré. Parce que la gêne qui est légiférée, elle n'empêche pas de faire le bien. Et ici, on a cette personne, c'est son droit, il peut récupérer son droit, mais il est gêné, il ne veut pas lui dire, « Yahri, tu me dois 60 euros. Redonne-moi mes 60 euros, s'il te plaît. » Il est gêné. Et là, le prophète qui dit, « Certes, laisse-le avoir cette pudeur. » Lorsque son frère, il l'a blâmé à cause de cette gêne, le prophète, il lui a dit, « Laisse-le avoir cette pudeur. Cette pudeur. Certes, la pudeur fait partie de la foi. » Comment on rassemble les deux? Vas-y. On refait Kitab al-Hayat de Sahih al-Bukhari. On avait dit, parce que ici, la personne qui va être gênée de récupérer son dû, qui va être gênée de récupérer son droit, cela c'est un bien. Parce que si tu ne récupères pas ton droit ici-bas, tu récupères dans l'au-delà. Et ça c'est un bien ou pas? C'est un bien. Et donc la pudeur n'empêche jamais de faire le bien. C'est-à-dire que le fait que tu demandes à la personne de te donner ton droit, ton haq, c'est permis. Yahri, tu me dois 60 euros. C'est permis. Mais maintenant, si tu es gêné de lui demander ça, est-ce que dans l'au-delà, tu ne seras pas récompensé par le fait que tu as laissé ton frère comme ça et que tu n'es pas allé redemander tes 60 euros? Tu seras récompensé ou pas par rapport à ça? Et donc, les savants ils disent que c'est un bien aussi. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à cet homme, da'ahu fa innal haya min al iman. Laisse-le car la pudeur fait partie de la foi. Et donc, important de comprendre que la pudeur légiférée n'empêche jamais de faire le bien. Ça s'appelle de la peur. Tu as peur de parler, tu as peur d'expliquer aux gens foulaine, il égare les gens, foulaine, etc. Tu as peur d'expliquer aux gens la vérité. Ça s'appelle, ne va pas dire que c'est de la pudeur, ça s'appelle de la peur et de la faiblesse. D'orf. À ne pas confondre la pudeur et la faiblesse. Ensuite, Bab ou Medjae fil Radab, le sous-chapitre concernant ce qui a été rapporté lié à la colère. El Kalem ou Filmandou El Radab Muhim. Et donc le sujet de la colère est très important. La colère concernant les êtres humains peut être blâmable ou louable. En ce qui concerne la colère lorsqu'elle est blâmable, c'est la colère lorsque les interdits d'Allah sont violés. Et qu'à ce moment-là, l'individu va se mettre en colère pour défendre intisaran li dinillah, pour défendre la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. À ce moment, sa colère, elle est louable. Sans que cette colère le pousse à dépasser ses limites. Cette colère, elle est louable. La colère qui est blâmable, elle intisaru li nafs. La colère pour défendre sa propre personne. Certaines personnes, lorsque ils vont entendre des gens, donc, innover dans la religion, avoir un mauvais comportement envers Allah tabaraka wa ta'ala, ils ne vont pas s'énerver. Normal, Adi. Par contre, si tu fais le malheur de parler sur lui, toute la journée, il crie. Toute la journée. Cette colère, elle est blâmable. La colère pour défendre sa propre personne. Et c'est pour ça que Al-Hafidh al-Nawawi, il a cité dans son livre très connu, Riyad al-Salihin, il a cité Babul Ghadab. Idan tuhikat hurumat aw hurumat ash-shar' wal intisar li dinillah ta'ala. Le chapitre lié à la colère et donc le chapitre lié à la colère lorsque les interdits de la législation sont violés et la défense de la religion d'Allah Ta'ala. Et ensuite, Al-Hafidh al-Nawawi, il a cité des versets et des hadiths. Et parmi les hadiths qu'il a cités, un hadith qui est donc dans les deux recueils, donc d'Al-Bukhari et de Muslim, selon Uqba ibn Amr al-Badri radiallahu anhu, qui dit « J'ai rajoulun ila nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait qu'il inni la ata'akharu an salati subh min ajli fulanin mimma yutilu bina fama ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ghadiba fi maw'izatin qattu ashadda mimma ghadiba yawma idhin fa qala ayyuha an-nas inna minkum munaffirin fa ayyukum amma an-nas falyujiz fa inna min wara'ihi al-kabira was-saghir wa dha haja. Et donc dans Sahihain, selon Uqba ibn Amr al-Badri, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant « Certes, je viens en retard à la prière du Subh, à cause du fait que c'est un tel qui dirige la prière et qu'il reste trop longtemps. Il prie, la prière elle est trop longue. » Alors l'homme il a dit « Alors, je n'ai pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'énerver comme cela lors d'un sermon. Je n'avais jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'énerver comme cela lors d'un sermon. » Et il a dit, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc on voit dans ce hadith que le prophète, il s'est énervé, donc, lorsque la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala a été touchée. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, « Oh gens, il y a certes parmi vous des personnes qui éloignent Munafirin, ils éloignent les autres du khair. Ils éloignent les autres du khair, du bien. Si l'un d'entre vous dirige la prière, alors qu'il fasse court. Car il y a derrière lui le grand, celui qui est âgé, le petit, celui qui est jeune, et celui qui a un besoin. Cela nous appelle, ô mes frères, à méditer par rapport à nos actes. Il se peut que tu fasses quelque chose et que tu éloignes les gens du khair. Certains, par leur mauvais comportement, ils ont éloigné des individus de nos meshir. Comme Cheikh Abdullah al-Bukhari, Cheikh Rabia et d'autres. Parce que certains, ils disaient, c'est pas possible. C'est quoi ce comportement? Ils pensaient que c'était nos méchirs qui nous enseignaient ce comportement-là. Alors que pas du tout. Pas du tout. C'est C'était certain à cause de leur mauvais comportement. Ils ont empêché, ils ont repoussé les gens du bien, du khair. Un homme, parfois, qui va se marier avec une sœur qui se convertit. Elle se convertit, la sœur, l'homme, il va se marier avec elle, la frapper, il va faire. Derrière, il se peut que la sœur ait l'apostasie, akhi. Innamin kumunafirin, il y a parmi vous des gens qui éloignent les autres du khair, du bien. Il faut faire attention à cela, à ce que tu ne sois pas la cause de l'égarement de certains. Et comme je vous ai dit précédemment, la colère qui est blâmable, c'est celle qu'aura l'individu pour défendre sa propre personne, comme l'a dit l'Allama Ibn al-Uthaymin, rahimahullah. Wal ghadab khatir fi haqq al-makhluq, li'annahu qad yahmilu ar-rajul ila an-nutqi bi kalimati al-kufr, fayasubbu ad-din aw yutalliqu zawjatahu aw yadribu ummah, thumma yandamu wa ya'tadhiru ala annahu kana ghadban, ka'anna ash-shar'a ja'ala ghadabahu 'udhran shar'iyyan. Et donc il faut savoir que la colère est dangereuse concernant les créatures. Car celle-ci peut pousser l'individu à prononcer la parole de mécréance. Insulter la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ou alors divorcer son épouse. Comme le font beaucoup. Il divorce son épouse et après il vient te voir. « Ah, j'ai divorcé, mais par contre j'étais en colère. » Ah. Et est-ce que tu connais quelqu'un qui divorce et qui est joyeux? C'est la fête? Non. Ou alors il va frapper sa mère, avoir un mauvais comportement à cause de la colère. Et après ils viennent te voir à chaque fois, ils disent la même excuse. J'étais en colère. Ouais, mais j'étais en colère. Oui, mais j'étais en colère. Oui, mais j'étais en colère. Comme si la législation avait placé la colère comme excuse légiférée. J'ai fait ça, mais j'étais en colère. Malish. Non, non. La législation n'a pas placé ta colère comme une excuse légiférée. Tu dois impérativement maintenir ta colère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit la colère. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Accourez, concurrencez-vous vers un pardon de votre Seigneur et un jardin, un paradis aussi large que les cieux et la terre qui a été préparé pour les muttaqin, ceux qui ont la taqwa. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ, ceux qui vont dépenser durant l'aisance et l'adversité. وَالْكَذِمِنَ الْغَيْذِ الْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, et ceux qui retiennent leur colère et pardonnent les gens. Ils retiennent leur colère. Le paradis a été préparé pour eux. فَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَثْنَى عَلَى هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَمْلِكُونَ غَضَبَهُمْ وَلَا يَمْلِكُهُمْ غَضَبُهُمْ. Allah tabaraka wa ta'ala, il a fait des éloges de ces gens qui contrôlent leur colère et que ce n'est pas leur colère qui les contrôle. Ce n'est pas leur colère qui les contrôle. Il dit l'imam Malik rahimahullah, il dit donc Yahya, Ubaydullah ibn Yahya, il dit: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ابن عوف أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله, علمني كلمة أعيش بهن أو كلمات أعيش بهن ولا تكثر علي فأنسى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: la taghdab. Et il m'a rapporté selon Malik, selon Ibn Shihab, selon Humayd ibn Abdurrahman ibn Auf, qu'un homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant: ô messager d'Allah, Enseigne-moi calimette. Ça veut dire quoi calimette? Parole? Calimette, c'est parole ou mot? Hein? Mot ou parole? Hein? Qui est parti un petit peu en Égypte? Qui a fait Ajouroumiya un petit peu calimette? Personne? Souvent, les Nahouyoun, ils disent donc, concernant donc El Kalimet, ce sont des parties d'une phrase. El Kalimet, donc ce sont des diverses parties d'une phrase. Des parties qui vont composer une phrase lorsqu'elles sont rassemblées. Kalimet, un mot. Mais parfois, ils disent parfois Kalimet, ça peut vouloir dire une phrase. D'accord? Ça, c'est les Nahouyoun, ils disent ça. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a réfuté à cela. Il a réfuté sur cela. Et il dit, il est important aux gens, à chaque fois je cite cet exemple parce qu'il est important, il est important que les gens les apprennent la langue arabe. Mais pas la langue arabe de leur peuple ou de leur époque. La langue arabe qui était parlée à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons. C'est celle-là que tu dois apprendre. Pourquoi? Parce qu'il se peut que les gens rajoutent et retirent, changent des significations ou autres. Il faut donc que tu apprennes la signification des sens des mots qui étaient voulus à cette époque, l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh l'Islam, il dit ça lorsqu'il répliquait à des soufis qui avaient donc changé les sens de certains termes dans la langue arabe. Et il a cité l'exemple des Nahouïn. Ils disent ça alors qu'il n'y a dans les textes du Coran et de la Sunna ou des paroles des Arabes, nullement cité le mot kalimet avec le sens de un mot. À chaque fois, c'est venu avec le sens une phrase. Kalimet, une phrase. Il dit nullement dans les textes du Coran et de la Sunna. Mais les Nahouyoun, ils l'ont pris à l'envers. Ils ont dit kalimet, c'est un mot. Mais parfois, ça peut vouloir dire une phrase. Cheikh Hassan me dit non, c'est l'inverse. Kalimet, c'est une phrase. Mais les gens, ils l'ont aussi interprété avec le sens d'un mot. Et donc, il faut faire attention à ça. Apprendre la langue arabe avec le sens qui est voulu chez les Arabes à la base. Et donc, le prophète, donc il dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, apprends-moi donc quelques phrases, quelque chose avec laquelle je vais vivre. Cependant, ne fais pas long afin que je n'oublie pas. Le prophète lui dit, sallallahu alayhi wa sallam, la tardob, ne t'énerve pas. هذا الحديث بهذا الاسناد مرسل لان حميد تابعي. Et donc ce hadith avec cette chaîne de transmission citée dans le Muwatta, il est mursel. C'est-à-dire que c'est le tabi'i, donc Humayd, qui dit le prophète il a dit. Humayd, il n'a pas rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cependant ce hadith il est authentique. Il a été cité donc dans le recueil de l'imam al-Bukhari rahimahullah. Selon Abi Hurayra radiallahu anhu, un homme qui est venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui dit Aousini. Aousini. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui dit la tardob, ne t'énerve pas. Il a répété Faraddada miraran. Il a répété plusieurs fois le prophète qui lui dit la tardob. La tardob. Ne t'énerve pas. Qalat al ulama al ma'na huna la takun sari' al ghadab. Yastatiruka ayyu shay. Ne sois pas quelqu'un qui s'énerve vite et que la moindre chose te fait partir. La moindre chose, certains, la moindre chose, bam, ils partent en colère tout de suite. Wa kana yumkinu lin-nabiy sallallahu alayhi wa sallam an yusiya hadha ar-rajul bi taqwa Allah aw amrin akhar lakinnahu nasahahu bi 'adami al-ghadab. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait pu recommander à cet homme de craindre Allah ou autre chose, mais il lui a recommandé de ne pas se mettre en colère. Parce que sa situation, la situation de cet homme, appelait à cela. Les frères, il faut qu'on s'efforce d'adopter un bon comportement et que on s'efforce de retenir notre colère. Il est vraiment important que chacun d'entre nous s'efforce de retenir sa colère et de ne pas se mettre dans une situation qu'il va regretter par la suite. Mais si l'individu se met en colère, quelles sont les causes qu'il peut faire pour soigner cela, pour que cette colère s'en aille? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, comme dans l'Adab al-Mufrad, son nom Abbas radiallahu anhu, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, allimu wa yassiru, wa allimu wa yassiru, wa la tu'assiru. Enseignez et facilitez. Enseignez et facilitez et ne rendez pas les choses difficiles. Wa la tu'assiru. Et ensuite il dit sallallahu alayhi wa sallam, wa idha ghadiba ahadukum fal yaskut. Et si l'un d'entre vous s'énerve, alors qu'il se taise. Fal yaskut. La personne, il n'est pas convenable qu'elle parle alors qu'elle est en colère. Tu es énervé, une personne t'a énervé, tais-toi, khalas. Tu reviens lorsque tu t'es calmé. Et tu parles. Tu vas parler en état de colère, il se peut que tu dises quelque chose que tu vas regretter toute ta vie. Encore le ba'd ul-ulama. Excusez-moi, أخرج ابن حبان في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. Ibn Hibban il cite dans son livre As-Sahih selon le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم qui dit lorsque l'un d'entre vous se met en colère et qu'il est debout alors qu'il s'assied. Et si sa colère ne part pas, alors qu'il se couche. Certains savants, ils ont dit ce qui est important, c'est que la personne, elle bouge, elle change sa situation. Si tu es debout, tu t'assieds, sinon tu te couches. Et si la colère ne part pas, certains savants, ils disent, « Faliyatawadda ». Alors il fait ses ablutions. « Liyan al-ghadab min ash-shaytan » car la colère est du diable. Le shaitan il a été créé du feu. Et donc tu fais tes ablutions avec l'eau qui calme, qui éteint le feu. Et donc il est important, les frères, de faire les causes pour calmer cette colère. Et enfin, donc pour finir, c'est bien ça. Le dernier hadith qu'on voit aujourd'hui. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الله أكبر. حديث متفق عليه أوتنتيك. Donc la chaîne de transmission de l'imam Malik selon Ibn Shihab, selon Saïd Ibn Musayyib, selon Abi Hurayra radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui est fort, al-shadid, celui qui a de la force, celui qui est fort, ce n'est pas celui qui va gagner lors des combats, al-sur'a, celui qui ne va pas perdre lorsqu'il se bat avec quelqu'un. Il se bat avec quelqu'un, il ne perd pas. Ce n'est pas lui qui est fort. Il nous dit, mais celui qui est fort, c'est celui qui retient sa personne lorsqu'il est en colère. C'est lui qui est fort. Certains, souvent, lorsqu'ils s'énervent, ils sortent les muscles, les veines, et en pensant que c'est ça la force. C'est pas ça la force. Celui qui est fort, c'est celui qui contrôle sa personne lorsqu'il est en colère. C'est ça la force. Ibn Abdelbar, rahimahullah, il dit فيه دليل على أن مجاهدة النفس في صرفها عن هواها أشد محاولة وأصعب مراما وأفضل من المجاهدة أو أفضل من مجاهدة العدو والله أعلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل للذي يملك نفسه عند الغضب من القوة والشدة والشدة ما ليس للذي يغلب الناس ويسرعهم ويسرعهم. Fin de citation. Il dit donc, Ibn Adelbar, il y a dans ce hadith une preuve qui montre que le fait de faire des efforts sur soi-même, le fait de faire des efforts sur soi-même pour détourner son âme de sa passion, tu as envie de taper la personne ou autre, tu détournes ton âme de cette passion, de, donc de ce désir que tu as, cela, il dit, Ibn Adelbar, cela est plus difficile. Cela est plus lourd et c'est un objectif plus difficile. Et c'est mieux que le fait de combattre l'ennemi. C'est mieux que le fait de combattre l'ennemi. Wallahu a'lam. Et Allah est plus savant. Ensuite, il continue en disant, Ibn Adelbar, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accordé à celui qui conserve, à celui qui donc contrôle sa personne lors de la colère, le prophète lui a accordé une force qu'il n'a pas accordée à celui qui terrasse et qui combat les autres. Et donc, Ibn Adelbar, il attire l'attention pour dire que c'est plus difficile de maîtriser sa propre personne que de combattre les gens. Et nous, on doit nous efforcer à faire cela. C'est plus difficile de combattre ta propre personne que de combattre les autres. Donc commence par le début. Combat ta propre personne. Wal khulasa. Et pour finir, an al mu'min yanbaghi lahu an yahrisa ashadd al hirs ala kadhm al ghayz. Le croyant, il est important, il est convenable qu'il s'efforce de retenir sa colère. Wa qad dhakartu lakum ان الغضب قد يجعل المرء يتلفظ بالفاظ يندم عليها بعد ذلك. Et je vous ai déjà cité que la colère peut pousser l'individu à prononcer des paroles qu'il va regretter par la suite. كأن يقذف مسلما في بيت من بيوت الله ثم يزيد على غضبه التكبر الذي يمنعه من التراجع والاعتذار. Et ensuite, et donc, comme un individu qui va donc traiter un musulman de fornicateur dans une maison d'Allah à cause de sa colère, et après rajouter sur cette colère l'orgueil qui va l'empêcher de s'excuser et de revenir sur cette parole. Tout cela à cause de la colère. À cause de la colère, retiens ta colère. La colère peut être une grande cause de mal. Et donc nous devons tout faire, ô mes frères, pour nous corriger et essayer de combattre nos propres personnes contre nos propres ennemis, c'est-à-dire nous-mêmes, et ainsi que le diable. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder une science profitable, il est certes capable de toutes choses. Il nous reste juste donc le chapitre de Al-Muhajara, le sous-chapitre de Al-Muhajara, du boycott. Le boycott, donc, le fait qu'il est interdit de boycotter son frère plus de 3 jours. On demande à Allah Azzawajal qui nous accorde la réussite, il est certes capable de toutes choses. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khayran.